19-4, observation, prononciation, le son R, révision. Rappelez-vous que pour prononcer le son R, la pointe de la langue reste appuyée contre les dents inférieures.